DRY. Les derniers seront les premiers. 1. La verve criminelle, je suis ta vue comme le raid. Sans sommation mêle, celui qui t'aise finit dead. Matomai, j'ai le permis de kill d'un mercenaire. Mister Hyde et Jekyll, donne des R et t'en perds tes nerfs. Des bons pour le liquide, secret comme dans les paradis fiscaux. J'excelle, déploie mes ailes, mes tailles comme le disco. Plus le temps de fourrer ses watts dans les narcos. En 2-0-1-1, mais son braille dans les mercos. Quand je n'ai extrait des bacs, mon achat comme un goût de cherche. Chez moi, quand la merde tombe, on se doit tirer la chasse. Autour de moi, trop traître qui jacte sur mon dos. Comme la grâce, tu peux toujours fauter à t'en arracher la peau. J'fais du sale, comme un chirurgien sous Baïda. Ou comme ce daron pédophile qui déroule sur Pattaya. Des manouati by night, où les plombs fusent d'Orly Haripa. Ici la violence est comme le das, on n'en guérit pas. J'suis excellent, dès mon art, oui j'excellent. Effet lovat, avec rime sans excédent. Un style violent, ride. Putain que c'est bon, qui fabrique ton rail. De lyrics sans précédent. Wati bébé, même c'est dans les dissidents. D'ici j'entends les cris victimes de mes incidents. Quelques phrases et gros DR, à tout raser, trouvé. Nerfs sont les nazes et viens les taser, oui c'est mon phrasé. J'éradique 2-3 MC dans la foulée. Flow caniculaire, t'es tout tombé foulé. J'arrive des pavés sanglants juste pour fourrer. Toutes les fnacs et les fiottes que je croise, elles sont trop les affolées. Cache les oreilles quand tu m'entends débouler. Ils écrivent au stylo comme moi, je grave au fer à souder. Tous ces portes servent à rien comme des pavés d'office. Chez nous c'est le ralice qui cause, donc c'est les barreaux d'office. On fixe pas les tarots mais garantit la qualité. On chute les banalités, place à l'authenticité. Mais qui peut intimider le condor à part le ciel. Pour faire de l'ombre au rap de pucelle, je te fais des merveilles. Du haut de ma tour, je t'apprévoite le monde du succès. J'y vois que des forêts de couilles à passer, faut-il sucer. Équipé de ma ceinture anti-violet de mon barbale. Je passe les douanes des majors tout en préservant mon trou de balle. J'suis excellent, dans mon art, oui j'excellent. Effet lovat, avec rime sans excédent. Un style violent, braille. Putain que c'est bon, qui fabrique ton rail. De lyrics sans précédent. Wati bébé, même c'est dans les dissidents. D'ici j'entends les cris victimes de mes incidents. Quelques phrases et gros DR, à tout raser, trouvé. Nerfs sont les nazes et viens les taser, oui c'est mon phrasé. Quand ça cause hip-hop, les anciens je big up. Ils ont fuck la porte, l'ont laissé sur le pare-choc. Sans eux, ça qui crée dans le rock. Tu rêves pour la couve des un rock. Fred et Toff, Frébou pour closer avec Jean Rock. Mais je vois les mélodies comme un Rockefeller. Crash tel un Glock vénère. Tu sapes pour ma banlieue 94 sévère. Le torse bombé, l'on s'exporte. Sombre et mon escorte. Voilà côté temps hausse note. Que les ténors font fausse note. Cous, à part le flou, rien ne me motive. Sur les talos, qu'on pas vu le départ de l'ogive. C'est taille aux manettes. Pour les 6 gros, les vendeurs de barrettes. Baisse le barrette, y paraît. Tu coules, mais ghetto nous rend palette. Sors du buffet, gros, j'apparais. Pour les refs et les sraves, enfoirés. Mais s'il y a pas de seuf dans les pages, sont tous ça va foirer. Fais mal au micro, comme les miens à la nitro. Si tu crois sur les rails, c'est juste pour dynamiter le métro. J'suis excellent, dans mon art, oui, j'excellent. Effet lovat, avec rime sans excédent. Un style violent, braille. Putain que c'est bon, qui fabrique ton rail. De lyrics sans précédent. Wati bébé, même c'est dans les dissidents. D'ici j'entends les cris victimes de mes incidents. Quelques phrases et gros DR, à tout raser, trouvé. Nerfs sont les nazes et viens les taser, oui c'est mon phrasé. Qu'est-ce dans ma cour, je les laisse à des kilomètres. Procoter en bourse, intransférable et le maître. One, check, microphone, test. Que les putes stessent, quand les faux, je l'est. Qu'est-ce dans ma cour, je les laisse à des kilomètres. Procoter en bourse, intransférable et le maître. One, check, microphone, test. Que les putes stessent, quand les faux, je l'est. Yeah. 1, 2, 0, 1, 1, DRY gros. Les derniers seront les premiers.